la banlieue nord. 9-3, tu peux pas tester, t'es pas d'accord. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. C'est pour tous les scooters pétards, les coffres pleins de tagas. Tous les gueux, je la n'ai qu'à la rage pour tout ce que je n'ai pas. Toutes les sorties en perle, les tapas de Bruxelles, les juges qui nous enferment sans savoir ce qu'ils nous emmerdent. Tous ces rappeurs en herbe qui se prennent pour des gangsters. Tous ces cols blancs traqués par la brigade financière. Pour la ville de Pinec, on désingue pour de la Villette. Les petits qui font du compète, de Sevran jusqu'à Aulnay. Pour toutes les mises en bière, tous les frères au cimetière. Inch'Allah que j'aurai assez de SNL. Pour tous les inducts, tout l'oseille que tu perds, tu vas payer très cher pour tous les naïfs que tu perds. Les faux amis qui pensent qu'à rester neutre, une fois qu'ils grimpent, ils basculent l'échelle pour rester seul. Nique le star system, ton baguette cache un string. Tu signes ta fin de carrière si ton blasé sur ma liste. Qui sait faire l'oseille, king de la banlieue nord. 9-3, tu peux pas tester, t'es pas d'accord. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Qui sait faire l'oseille, king de la banlieue nord. 9-3, tu peux pas tester, t'es pas d'accord. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Quand t'arrives sur Aubert, la banlieue qui s'énerve, c'est une émeute qui se répand sur toute la France entière. Je te raconte pas de bluff, prends le RER, descends gare de la Courneuve et tu verras que c'est la guerre. Les casseurs de Neyman, le malaise qui règne au Tchekar. La vie on la trouve belle comme ce joli levé de bécane. Assoiffé après cette longue traversée du désert dans la désert. Mais illégal, je roule sans permis. Si je passe l'été sur Paris, c'est pour faire du cash. Même pendant les fêtes de la ville, le maire se cache. Pour le clos Saint-Lazare, la saucé jusqu'au framoisin. Check t'es un bâtard, tu l'as saucé pour qu'il prenne ce flingue. Je sais mon rap est thug, ouais, mon rap est violent. Retour vers le futur avec mon flow 2030. Tête mécra comme le manège de René Sous-Bois. T'as sorti le métal parce qu'il a rodé ce jour-là. Qui sait faire l'oseille, king de la banlieue nord. 9-3, tu peux pas tester, t'es pas d'accord. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Qui sait faire l'oseille, king de la banlieue nord. 9-3, tu peux pas tester, t'es pas d'accord. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Au concert, je vois tous les portables s'allumer. Au Tchekar, on adore voir les bécanes se lever. Expliquer l'osi, clic pour faire des lovés. Clic, clic, je vois tous les bras se lever. Au concert, je vois tous les portables s'allumer. Au Tchekar, on adore voir les bécanes se lever. Expliquer l'osi, clic pour faire des lovés. Clic, clic, je vois tous les bras se lever. Qui sait faire l'oseille, king de la banlieue nord. 9-3, tu peux pas tester, t'es pas d'accord. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Qui sait faire l'oseille, king de la banlieue nord. 9-3, tu peux pas tester, t'es pas d'accord. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Faire l'oseille, king de la banlieue nord. 9-3, tu peux pas tester, t'es pas d'accord. Sur mon père ou ma mère, c'est le général. Sur mon père ou ma mère, c'est le général.